إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous avions vu dans le cours précédent que la HUP informa Suleyman alayhi salat wa salam de l'adoration de Belkis et de son peuple, adoration du soleil. Elle mentionna leur adoration du soleil en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, disant que le diable les ayant égarés et détournés de l'adoration d'Allah, l'unique sans associé. La Hub décrivit donc cette situation comme elle l'a vue et elle la rapporta à Suleyman le plus fidèlement possible en lui laissant lui seul le soin de juger sur leur cas. Suleyman alayhi salat wa salam envoya alors la Hub avec un message dans lequel il les invitait à l'obéissance d'Allah et à son prophète, et leur demander de se repentir et d'accepter de se soumettre à son commandement et son pouvoir. C'est pourquoi il leur dit, dans cette missive, « Ne cherchez pas à prendre le dessus sur moi. » Autrement dit, « Ne refusez pas de m'obéir et d'exécuter mes ordres. Et venez à moi en toute soumission, c'est-à-dire, venez à moi soumis et obéissant, sans opposition et sans hésitation. » De nombreux commentateurs du Coran rapportent que la Hup apporta la lettre à la reine, tandis qu'elle se trouvait seule dans son palais. Elle lança la lettre et resta à l'écart, en attendant de voir ce qu'elle répondrait à la lettre. Elle réunit alors les princes, les ministres, les hauts dignitaires de son royaume, afin de les consulter. Et elle leur dit, « Ô notables, une noble lettre m'a été lancée. » On remarquera au passage qu'elle a décrit cette lettre comme étant noble, Kitabun Karim, étant donné la valeur du parchemin et la beauté de l'écriture. Elle leur lut alors le titre de la lettre en leur disant « Elle est de Suleyman ». Cela signifie que cette lettre comportait le sceau de Suleyman. Elle était signée. Puis elle lut « Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim. Ne cherchez pas à prendre le dessus sur moi et venez à moi en toute soumission. » Suleyman alayhi salam l'appela donc à se soumettre à lui, lui obéir et rentrer sous ses ordres, comme il l'invita elle et son peuple à rendre un culte exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala, et cela relève de ses fonctions en tant que prophète, d'appeler les gens à la religion d'Allah dès qu'il en a les moyens, et cela dans n'importe quelle circonstance qu'il le permet. Elle les consulta ensuite sur son affaire et ce qui lui était arrivé. Elle adopta avec eux le meilleur des comportements et leur dit, alors qu'ils étaient silencieux, « Ô notables, que dites-vous de cette affaire? Je ne déciderai rien sans que vous ne soyez présents. » Ils répondirent, « Nous possédons une grande force et sommes redoutables au combat. » Il semble que dans toute affaire importante, elle avait l'habitude de consulter ses notables et conseillers. Et c'est ce qu'elle fit ici. Ils voulaient signifier par leurs propos « Nous avons la capacité de combattre et de résister vaillamment. Et si c'est ce que tu veux de nous, nous en sommes capables. Cependant, la décision t'appartient, à toi donc de voir quel ordre donner. » Ils lui exprimèrent ainsi leur obéissance et soumission tout en l'informant de leur capacité, en lui remettant la décision finale sur cette question, afin de savoir quel serait son avis et qu'est-ce qui serait meilleur pour eux et pour elle. Sa décision fut plus perspicace et plus sage que la leur, car elle avait compris que l'auteur de cette lettre ne pouvait être vaincu, repoussé, contredit ou trompé. Elle dit en vérité, quand les rois entrent dans une cité, ils la détruisent et en humilient les puissants. C'est ainsi qu'ils agissent. Elle dit avec justesse que si ce roi prenait possession de ce royaume, ce serait elle qui en assumerait la responsabilité, et qu'elle serait seule responsable de cette animosité, de cette difficulté de cette agression. C'est comme si elle préféra la paix à la guerre par sa lucidité. Elle savait qu'une guerre contre Soliman et son armée mènerait probablement à sa perte et celle de son peuple, alors que rentrer sous son obéissance lui permettrait de garder son trône, même relatif, et de préserver son royaume. Pour preuve, c'est qu'elle essaya d'éviter une guerre en envoyant un présent à Soliman accompagné de sa réponse. Elle leur dit « Je vais quant à moi leur faire parvenir un présent et verrai ainsi ce que les envoyés ramèneront de tout cela. » C'est-à-dire de voir et d'attendre la réponse de Soliman face à ses présents. Elle a voulu ainsi se protéger ainsi que ses sujets en envoyant des cadeaux de grande valeur. Elle ignorait que Soliman n'accepterait rien d'eux, car ils étaient mécréants et que lui et ses armées pouvaient les vaincre. Il a aussi été dit qu'elle envoya des présents de grande valeur, et en les acceptant, elle aurait su que ce sont des gens qui recherchent les biens de ce bas monde. Et en les rejetant, elle a reçu par là que ce sont des gens qui recherchent l'au-delà, comme un test ou une épreuve qu'elle leur présenterait face aux biens de ce bas monde. C'est pourquoi lorsque l'émissaire arriva près de Soliman, celui-ci dit « Est-ce un don que vous me faites, alors que ce qu'Allah m'a procuré est bien meilleur que ce dont il vous a doté, mais c'est plutôt vous qui vous réjouissez de votre cadeau, c'est-à-dire de vos biens mondains. Ceci alors que les cadeaux étaient de grande valeur comme l'ont rapporté les commentateurs du Coran. » Puis il a dit à l'émissaire de la reine devant toute l'assemblée « Retourne parmi eux, je garantis que nous dirigerons contre des troupes auxquelles ils ne pourront opposer aucune résistance et nous les expulserons de leur demeure, tous humiliés et méprisés. » Il dit alors à l'émissaire « Repars avec tes cadeaux vers celle qui t'a envoyé, car ce qu'Allah m'a accordé comme bien trésor et serviteur est plus grand et meilleur encore que tout ce dont vous vous réjouissez devant vos semblables. Nous dirigerons contre eux des troupes auxquelles ils ne pourront opposer aucune résistance, c'est-à-dire je vais leur envoyer des armées contre lesquelles toute résistance, toute lutte et toute opposition sera vaine. Je les ferai sortir de leur cité, leurs propriétés et pays, humiliés et méprisés, couverts d'humiliation, d'infamie et d'anéantissement. » Lorsque le message du prophète d'Allah leur parvint, ils n'eurent d'autre choix que l'obéissance et la soumission. Ainsi, ils s'empressèrent de lui répondre sur le champ et ils se rendirent tous auprès de lui, accompagnés de leur reine, soumis, obéissants et humbles. Informés de leur arrivée imminente, Suleyman alayhi salat wa salam demanda au djinn qui lui était soumis ce qu'Allah mentionne dans le Coran. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشه قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممغرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Dans le sens des versets, Allah dit تبارك وتعالى, il dit « Ô assemblée, qui d'entre vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi soumis ?» Un redoutable djinn répondit « Je te l'apporterai avant que tu ne quittes ta place. Pour cela, je serai fort et digne de confiance. » Celui qui avait connaissance du livre dit « Je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. » Quand Soliman vit le trône installé auprès de lui, Il dit, cela est une grâce de mon Seigneur pour m'éprouver et voir si je serai reconnaissant ou ingrat. Or, quiconque est reconnaissant le fait dans son propre intérêt. Et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même et il est généreux. Il dit, rendez son trône méconnaissable. Nous verrons alors si elle sera guidée ou si elle sera du nombre de ceux qui n'y parviennent pas. Quand elle fut venue, on lui demanda, est-ce que ton trône est comme celui-ci? Elle dit, il lui ressemble bien. Suleyman dit alors, le savoir nous avait été donné avant elle, et nous étions déjà soumis. Or, ce qu'elle adorait en dehors d'Allah l'empêchait d'être croyante, car elle faisait partie d'un peuple mécréant. On lui dit, entre dans le palais. Puis, quand elle le vit, elle le prit pour de l'eau profonde, et elle se découvrit les jambes. Alors Suleyman lui dit, ceci est un palais pavé de cristal. Elle dit, Seigneur, je me suis fait du tort et je me soumets avec Suleyman à Allah, Seigneur des mondes. Sourate 27, versets 38 à 44. Lorsque Suleyman ordonna au djinn de lui rapporter le trône de Bilqis, qui est le trône sur lequel elle prenait place lorsqu'elle gouvernait avant qu'il n'arrive, un redoutable djinn dans sa force physique, répondit, je te l'apporterai avant que tu ne quittes ta place, c'est-à-dire avant que ton conseil ne prenne fin. Et on dit que le conseil de Suleyman, durant lequel il jugeait parmi les gens, débutait à l'aube pour se terminer juste avant la prière du Dhuhr, lorsque le soleil atteint son point de culminance. Et il étudiait les questions et les travaux des enfants d'Israël. Pour cela, je serai fort et digne de confiance, dit-il. C'est-à-dire, je suis en mesure de te l'amener, de prendre soin de ce qu'il contient comme joyau précieux. Celui qui avait connaissance du livre est l'avis le plus communément partagé, et qu'il s'agit de Asif ibn Balkhiya, qui était un des proches de Suleyman, a dit, je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. Lorsque Suleyman vit le trône installé auprès de lui, c'est-à-dire lorsqu'il vit le trône de Bilqis devant lui, venu de Yémen jusqu'à Beit el-Maqdis, en un clin d'œil, il dit « Cela est une grâce de mon Seigneur pour m'éprouver et voir si je serai reconnaissant ou ingrat. C'est une grâce d'Allah envers moi, et Allah accorde sa grâce à ses serviteurs afin de les mettre à l'épreuve et voir s'ils sont reconnaissants ou non. Or, quiconque est reconnaissant le fait dans son propre intérêt, et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même, et il est généreux. » Il a été dit que ce fut Suleyman qui, par la puissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ramena le trône en un clin d'œil. Il a aussi été dit que Suleyman prononça à cet effet le nom d'Allah le plus grand, Al-Hayyul Qayyum. Et par ces deux noms d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah, tabaraka wa ta'ala, présenta le trône devant lui en l'espace d'un clin d'œil. Certains ont dit que c'est cette personne qui avait cette connaissance du livre, c'est-à-dire qui avait cette connaissance, cette science du nom d'Allah le plus grand et le plus noble, qui invoqua Allah par ces deux noms-là, et Allah ramena le trône en un clin d'œil. Quoi qu'il en soit, Suleyman, alayhi salat wa salam, remercia Allah pour ce bienfait. Et nous avions déjà mentionné dans le cours précédent que Suleyman, comme Daoud, alayhi salam, avait pour habitude de remercier Allah très fréquemment et de lui être reconnaissant. Puis Suleyman ordonna qu'on change les joyaux ornant le trône et qu'on le transforme afin de tester l'intelligence et le degré de perspicacité de Bilqis. Car il avait été dit que Bilqis était une femme idiote, dénuée de toute perspicacité et de jugement. C'est à cet effet que Suleyman avait dit, nous verrons alors si elle sera guidée ou si elle sera du nombre de ceux qui n'y parviennent pas. Et lorsqu'elle fut venue, on lui demanda, est-ce que ton trône est comme celui-ci? Elle dit, il lui ressemble bien. Sa réponse montre ici la perspicacité de cette femme et sa grande intelligence. Car elle ne pouvait concevoir que c'était son trône, car elle l'avait laissé au Yémen. Et elle ne savait pas que quelqu'un était capable de cet acte extraordinaire. Et cela fut comme une préparation à la convaincre de rentrer en islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de Suleyman et de son peuple, Suleyman dit, le savoir nous avait été donné avant elle et nous étions déjà soumis. Or, ce qu'elle adorait en dehors d'Allah l'empêchait d'être croyante car elle faisait partie d'un peuple mécréant. Et ce qui l'empêchait était son adoration du soleil devant lequel elle et son peuple se prosternaient en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, suivant la religion de leurs ancêtres, sans aucune preuve pour cela. Et ce verset coranique soulève un point important. C'est que la majorité, si ce n'est l'entièreté de son peuple, adorait le soleil en dehors d'Allah, ce qui la poussa elle aussi à cheminer sur cette voie-là, en plus du fait qu'elle a grandi dans l'idolâtrie et qu'elle s'est imprégnée de cela durant toute son enfance et toute son adolescence. Elle dirigea donc son peuple en suivant cette religion et tout cela l'empêchait de voir la vérité. Tout cela l'empêchait de voir la vérité, c'est-à-dire d'être sur le tawhid et l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Suleyman alayhi salat wa salam demanda qu'on construise un palais de cristal afin qu'on puisse l'accueillir et qu'on y installe un passage en cristal sur lequel coulait de l'eau et où évoluaient des poissons et des animaux aquatiques de toutes sortes. À son arrivée, on demanda à Bilqis d'y entrer, tandis que Suleyman y était assis sur son trône. Puis lorsqu'elle le vit, elle le prit pour de l'eau profonde et elle se découvrit les jambes. Alors Suleyman lui dit, ceci est un palais pavé de cristal. Elle dit, Seigneur, je me suis fait du tort et je me soumets avec Suleyman à Allah, Seigneur des mondes. Pour la convaincre, Suleyman est venu avec un prodige à la hauteur de son rang de reine, un prodige qui lui parlait et dans lequel elle se reconnaissait. Ce palais de cristal faisait partie de ce genre d'ouvrage que seuls ceux travaillant sous l'égide de Suleyman pouvaient accomplir. Ce type de palais était inconnu tant sur le plan de sa construction que celui de son architecture aux gens du Yémen. Lorsqu'elle le vit, elle fut subjuguée et elle reconnut à ce moment que Suleyman était véridique et assisté par Allah tabaraka wa ta'ala. Elle se soumit donc à Allah en se désavouant tout d'abord de la religion sur laquelle elle était et affirma dans la foulée sa soumission à Allah en suivant la religion de Suleyman. Alayhi salam. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.